Chapitre 16. Instruction des esprits. La vraie propriété. L'homme ne possède en propre que ce qu'il peut emporter de ce monde, ce qu'il trouve en arrivant et ce qu'il laisse en partant. Il en jouit pendant son séjour, mais, puisqu'il est forcé de l'abandonner, il n'en a que la jouissance et non la possession réelle. Que possède-t-il donc? Rien de ce qui est à l'usage du corps, tout ce qui est à l'usage de l'âme. L'intelligence, les connaissances, les qualités morales. Voilà ce qu'il apporte et ce qu'il emporte, ce qu'il n'est au pouvoir de personne de lui enlever, ce qui lui servira plus encore dans l'autre monde que dans celui-ci. De lui dépend d'être plus riche à son départ qu'à son arrivée, car de ce qu'il aura acquis en bien dépend sa position future. Quand un homme va dans un pays lointain, il compose sa pacotille d'objets, qui ont cours dans le pays, mais il ne se charge point de ceux qui lui seraient inutiles. Faites donc de même pour la vie future, et faites provision de tout ce qui pourra vous y servir. Au voyageur qui arrive dans une auberge, on donne un beau logement s'il peut le payer. À celui qui a peu de choses, on en donne un moins agréable. Quant à celui qui n'a rien, il couche sur la paille. Ainsi en est-il de l'homme à son arrivée dans le monde des esprits. Sa place y est subordonnée à son avoir, mais ce n'est pas avec de l'or qu'il la paye. On ne lui demandera point. Combien aviez-vous sur la terre? Quel rang y occupiez-vous? Étiez-vous prince ou artisan? Mais on lui demandera, qu'en rapportez-vous? On ne supputera point la valeur de ses biens, ni de ses titres, mais la somme de ses vertus. Or, à ce compte, l'artisan peut être plus riche que le prince. En vain, allégera-t-il qu'avant son départ, il a payé son entrée avec de l'or? On lui répondra, les places ne s'achètent point ici, elles se gagnent par le bien qu'on a fait. Avec la monnaie terrestre, vous avez pu acheter des champs, des maisons, des palais. Ici, tout se paye avec les qualités du cœur. Êtes-vous riche de ces qualités? Soyez le bienvenu et allez à la première place où toutes les félicités vous attendent. Êtes-vous pauvre? Allez à la dernière où vous serez traité en raison de votre avoir. Pascal, Genève, 1860. Les biens de la terre appartiennent à Dieu qui les dispense à son gré, et l'homme n'en est que l'usufruitier, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent. Ils sont si peu la propriété individuelle de l'homme que Dieu déjoue souvent toutes les prévisions, que la fortune échappe à celui qui croit la posséder au meilleur titre. Vous direz peut-être que cela se comprend pour la fortune héréditaire, mais qu'il n'en est pas de même de celle que l'on acquiert par son travail. Sans aucun doute, s'il est une fortune légitime, c'est celle-là quand elle est acquise honnêtement. Car une propriété n'est légitimement acquise que lorsque, pour la posséder, on a fait de tort à personne. Il sera demandé compte d'un dernier mal acquis au préjudice d'autrui. Mais de ce qu'un homme doit sa fortune à lui-même, en emporte-t-il davantage en mourant? Les soins qu'il prend de la transmettre à ses descendants ne sont-ils pas souvent superflus? Car si Dieu ne veut pas qu'elle leur échoie, rien ne saurait prévaloir contre sa volonté. Peut-il en user et en abuser impunément pendant sa vie, sans avoir de compte à rendre? Non. En lui permettant de l'acquérir, Dieu a pu vouloir récompenser en lui, pendant sa vie, ses efforts, son courage, sa persévérance. Mais s'il ne la fait servir qu'à la satisfaction de ses sens ou de son orgueil, si elle devient une cause de chute entre ses mains, mieux eût valu pour lui qu'il ne la possédât pas. Il perd d'un côté ce qu'il a gagné de l'autre en annulant le mérite de son travail. Et quand il quittera la terre, Dieu lui dira qu'il a déjà reçu sa récompense. Esprit protecteur, Bruxelles, 1861. Emploi de la fortune. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Retenez bien ceci. Vous, que l'amour de l'or domine, vous qui vendriez votre âme pour posséder des trésors, parce qu'ils peuvent vous élever au-dessus des autres hommes et vous donner les jouissances des passions. Non, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Si donc vous sentez votre âme dominée par les convoitises de la chair, Hâtez-vous de secouer le joug qui vous accable, car Dieu, juste et sévère, vous dira: Qu'as-tu fait, économe infidèle, des biens que je t'avais confiés? Ce puissant mobile des bonnes œuvres, tu ne l'as fait servir qu'à ta satisfaction personnelle. Quel est donc le meilleur emploi de la fortune? Cherchez dans ces paroles: Aimez-vous les uns les autres, la solution de ce problème. Là est le secret de bien employer ses richesses. Celui qui est animé de l'amour du prochain a sa ligne de conduite toute tracée. L'emploi qui plaît à Dieu, c'est la charité. Non pas cette charité froide et égoïste qui consiste à répandre autour de soi le superflu d'une existence dorée, mais cette charité pleine d'amour qui cherche le malheur, qui le relève sans l'humilier. Riche, donne de ton superflu. Fais mieux. Donne un peu de ton nécessaire, car ton nécessaire est encore du superflu. Mais donne avec sagesse. Ne repousse pas la plainte de peur d'être trompé, mais va à la source du mal. Soulage d'abord, informe-toi ensuite, et vois si le travail, les conseils, l'affection même ne seront pas plus efficaces que ton aumône. Répands autour de toi, avec l'aisance, l'amour de Dieu, l'amour du travail, l'amour du prochain. Place tes richesses sur un fonds qui ne te manquera jamais et te rapportera de gros intérêts. Les bonnes œuvres. La richesse de l'intelligence doit te servir comme celle de l'or. Répands autour de toi les trésors de l'instruction. Répands sur tes frères les trésors de ton amour et ils fructifieront. Cheverus, Bordeaux, 1861. Lorsque je considère la brièveté de la vie, je suis douloureusement affecté de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet, tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral qui doit vous compter pour l'éternité. On croirait, à voir l'activité que vous déployez, qu'il s'y rattache une question du plus haut intérêt pour l'humanité, tandis qu'il ne s'agit presque toujours que de vous mettre à même de satisfaire à des besoins exagérés, à la vanité, ou de vous livrer à des excès. Que de peines, de soucis, de tourments l'on se donne, que de nuits sans sommeil, pour augmenter une fortune souvent plus que suffisante. Pour comble d'aveuglement, il n'est pas rare de voir ceux qu'un amour immodéré de la fortune et des jouissances qu'elle procure, assujettis à un travail pénible, se prévaloir d'une existence dite de sacrifice et de mérite, comme s'ils travaillaient pour les autres et non pour eux-mêmes. Insensé. Vous croyez donc réellement qu'il vous sera tenu compte des soins et des efforts dont l'égoïsme, la cupidité ou l'orgueil sont le mobile, tandis que vous négligez le soin de votre avenir, ainsi que les devoirs que la solidarité fraternelle impose à tous ceux qui jouissent des avantages de la vie sociale? Vous n'avez songé qu'à votre corps. Son bien-être, ses jouissances étaient l'unique objet de votre sollicitude égoïste. Pour lui qui meurt, vous avez négligé votre esprit qui vivra toujours. Aussi, ce maître tant choyé et caressé est devenu votre tyran. Il commande à votre esprit qui s'est fait son esclave. Était-ce là le but de l'existence que Dieu vous avait donnée? Un esprit protecteur, Cracovie, 1861. L'homme étant le dépositaire, le gérant des biens que Dieu remet entre ses mains, il lui sera demandé un compte sévère de l'emploi qu'il en aura fait en vertu de son libre arbitre. Le mauvais emploi consiste à ne les faire servir qu'à sa satisfaction personnelle. Au contraire, l'emploi est bon toutes les fois qu'il en résulte un bien quelconque pour autrui. Le mérite est proportionné au sacrifice que l'on s'impose. La bienfaisance n'est qu'un mode d'emploi de la fortune. Elle soulage la misère actuelle, elle apaise la faim, préserve du froid et donne un asile à celui qui n'en a pas. Mais un devoir tout aussi impérieux, tout aussi méritoire, consiste à prévenir la misère. C'est là surtout la mission des grandes fortunes par les travaux de tout genre qu'elles peuvent faire exécuter. Et dussent-elles en tirer un profit légitime, le bien n'en existerait pas moins, car le travail développe l'intelligence et rehausse la dignité de l'homme, toujours fier de pouvoir dire qu'il a gagné le pain qu'il mange, tandis que le monde humilie et dégrade. La fortune concentrée dans une main doit être comme une source d'eau vive qui répand la fécondité et le bien-être autour d'elle. Ô, vous riches, qui l'emploierez selon les vues du Seigneur, votre cœur le premier se désaltérera à cette source bienfaisante. Vous aurez en cette vie les ineffables jouissances de l'âme au lieu des jouissances matérielles de l'égoïste qui laisse le vide dans le cœur. Votre nom sera béni sur la terre, et quand vous la quitterez, le souverain maître vous adressera le mot de la parabole des talents. Ô bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre Seigneur. Dans cette parabole, le serviteur qui enfouit dans la terre l'argent qui lui a été confié, n'est-il pas l'image des avares entre les mains desquels la fortune est improductive? Si, cependant, Jésus parle principalement des aumônes, c'est qu'en ce temps-là, et dans le pays où il vivait, on ne connaissait pas les travaux que les arts et l'industrie ont créés depuis, et auxquels la fortune peut être employée utilement pour le bien général. À tous ceux qui peuvent donner, peu ou beaucoup, je dirais donc, faites-le au monde quand cela sera nécessaire, mais autant que possible, convertissez-la en salaire, afin que celui qui la reçoit n'en rougisse pas. Fénelon, Alger, 1860. Détachement des biens terrestres. Je viens, mes frères, mes amis, apporter mon obole pour vous aider à marcher hardiment dans la voie d'amélioration où vous êtes entrés. Nous nous devons les uns aux autres. Ce n'est que par une union sincère et fraternelle entre esprit et incarné que la régénération est possible. Votre amour pour les biens terrestres est une des plus fortes entraves à votre avancement moral et spirituel. Par cet attachement à la possession, vous brisez vos facultés aimantes en les reportant toutes sur les choses matérielles. Soyez sincères, la fortune donne-t-elle un bonheur sans mélange? Quand vos coffres sont pleins, n'y a-t-il pas toujours un vide dans le cœur? Au fond de cette corbeille de fleurs, n'y a-t-il pas toujours un reptile caché? Je comprends que l'homme qui, par un travail assidu et honorable, a gagné la fortune, éprouve une satisfaction bien juste du reste. Mais de cette satisfaction, très naturelle et que Dieu approuve, a un attachement qui absorbe tout autre sentiment et paralyse les élans du cœur. Il y a loin, aussi loin que de l'avarice sordide à la prodigalité exagérée, deux vices entre lesquels Dieu a placé la charité, sainte et salutaire vertu qui apprend aux riches à donner sans ostentation pour que le pauvre reçoive sans bassesse. Que la fortune vous vienne de votre famille ou que vous l'ayez gagnée par votre travail, il est une chose que vous ne devez jamais oublier, c'est que tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Rien ne vous appartient sur la terre, pas même votre pauvre corps. La mort vous en dépouille comme de tous les biens matériels. Vous êtes dépositaire et non propriétaire. Ne vous y trompez pas. Dieu vous a prêté, vous devez rendre. Et il vous prête à la condition que le superflu, au moins, revienne à ceux qui n'ont pas le nécessaire. Un de vos amis vous prête une somme. Pour peu que vous soyez honnête, vous vous faites un scrupule de la lui rendre. Et vous lui en gardez de la reconnaissance. Eh bien, voilà la position de tout homme riche. Dieu est l'ami céleste qui lui a prêté la richesse. Il ne demande pour lui que l'amour et la reconnaissance, mais il exige qu'à son tour le riche donne aux pauvres, qui sont ses enfants au même titre que lui. Le bien que Dieu vous a confié excite en vos cœurs une ardente et folle convoitise. Avez-vous réfléchi, quand vous vous attachez immodérément à une fortune périssable et passagère comme vous, qu'un jour viendra où vous devrez rendre compte au Seigneur de ce qui vient de lui? Oubliez-vous que, par la richesse, vous êtes revêtu du caractère sacré de ministre de la charité sur la terre pour en être les dispensateurs intelligents? Qu'êtes-vous donc quand vous usez à votre seul profit de ce qui vous a été confié, sinon des dépositaires infidèles? Que résulte-t-il de cet oubli volontaire de vos devoirs? La mort inflexible, inexorable, vient déchirer le voile sous lequel vous vous cachiez et vous force à rendre vos comptes à l'ami même qui vous avait obligé et qui à ce moment se revêt pour vous de la robe de juge. C'est en vain que sur la terre vous cherchez à vous faire illusion à vous-même, en colorant du nom de vertu ce qui souvent n'est que de l'égoïsme, que vous appelez économie et prévoyance ce qui n'est que de la cupidité et de l'avarice, ou générosité ce qui n'est que la prodigalité à votre profit. Un père de famille, par exemple, s'abstiendra de faire la charité, économisera, entassera or sur or, et cela, dit-il, pour laisser à ses enfants le plus de bien possible et leur éviter de tomber dans la misère. C'est fort juste et paternel, j'en conviens, et on ne peut l'en blâmer. Mais est-ce bien là toujours le seul mobile qui le guide? N'est-ce pas souvent un compromis avec sa conscience pour justifier à ses propres yeux et aux yeux du monde son attachement personnel au bien terrestre? Cependant, j'admets que l'amour paternel soit son unique mobile. Est-ce un motif pour oublier ses frères devant Dieu? Quand lui-même a déjà le superflu, laissera-t-il ses enfants dans la misère parce qu'ils auront un peu moins de ce superflu? N'est-ce pas leur donner une leçon d'égoïsme et d'endurcir leur cœur? N'est-ce pas étouffer en eux l'amour du prochain? Père et mère, vous êtes dans une grande erreur si vous croyez par là augmenter l'affection de vos enfants pour vous. En leur apprenant à être égoïstes pour les autres, vous leur apprenez à l'être pour vous-même. Quand un homme a bien travaillé et qu'à la sueur de son front il a amassé du bien, vous l'entendrez souvent dire que lorsque l'argent est gagné, on en connaît mieux le prix. Rien n'est plus vrai. Eh bien, que cet homme qui avoue connaître toute la valeur de l'argent fasse la charité selon ses moyens, il aura plus de mérite que celui qui, né dans l'abondance, ignore les rudes fatigues du travail. Mais qu'au contraire, ce même homme, qui se rappelle ses peines, ses travaux, soit égoïste, dur pour les pauvres, il est bien plus coupable que les autres. Car plus on connaît par soi-même les douleurs cachées de la misère, plus on doit être porté à les soulager dans les autres. Malheureusement, il y a toujours dans l'homme qui possède un sentiment aussi fort que l'attachement à la fortune, c'est l'orgueil. Il n'est pas rare de voir le parvenu étourdir le malheureux qui implore son assistance du récit de ses travaux et de son savoir-faire. Au lieu de lui venir en aide et finir par lui dire « Faites ce que j'ai fait », d'après lui, la bonté de Dieu n'est pour rien dans sa fortune. À lui seul en revient tout le mérite. Son orgueil met un bandeau sur ses yeux et bouche ses oreilles. Il ne comprend pas qu'avec toute son intelligence et son adresse, Dieu peut le renverser d'un seul mot. Gaspiller sa fortune. Ce n'est pas le détachement des biens terrestres, c'est de l'insouciance et de l'indifférence. L'homme, dépositaire de ses biens, n'a pas plus le droit de les dilapider que de les confisquer à son profit. La prodigalité n'est pas la générosité, c'est souvent une forme de l'égoïsme. Tel qui jette l'or à pleine main pour satisfaire une fantaisie ne donnerait pas un écu pour rendre service. Le détachement des biens terrestres consiste à apprécier la fortune à sa juste valeur, à savoir s'en servir pour les autres et non pour soi seul, à n'y point sacrifier les intérêts de la vie future, à la perdre sans murmurer s'il plaît à Dieu de vous la retirer. Si, par des revers imprévus, vous devenez un autre Job, comme lui, dites « Seigneur, vous me l'aviez donné, vous me l'avez ôté, que votre volonté soit faite. » Voilà le vrai détachement. Soyez soumis d'abord. Ayez foi en celui qui vous ayant donné et ôté peut vous rendre. Résistez avec courage à l'abattement, au désespoir qui paralyse votre force. N'oubliez jamais, quand Dieu vous frappera, qu'à côté de la plus grande épreuve, il place toujours une consolation. Mais songez surtout qu'il est des biens infiniment plus précieux que ceux de la terre, et cette pensée aidera à vous détacher de ces derniers. Le peu de prix qu'on attache à une chose fait qu'on est moins sensible à sa perte. L'homme qui s'attache aux biens de la terre est comme l'enfant qui ne voit que le moment présent. Celui qui n'y tient pas est comme l'adulte qui voit des choses plus importantes, car il comprend ces paroles prophétiques du Sauveur, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le Seigneur n'ordonne point de se dépouiller de ce qu'on possède pour se réduire à une mendicité volontaire, car alors on devient une charge pour la société. Agir ainsi serait mal comprendre le détachement des biens terrestres. C'est un égoïsme d'un autre genre, car c'est s'affranchir de la responsabilité que la fortune fait peser sur celui qui la possède. Dieu la donne à qui bon lui semble pour la gérer au profit de tous. Le riche a donc une mission, mission qu'il peut rendre belle et profitable pour lui. Rejeter la fortune quand Dieu vous la donne, c'est renoncer au bénéfice du bien que l'on peut faire en l'administrant avec sagesse. Savoir s'en passer comme quand on ne l'a pas, savoir l'employer utilement quand on l'a, savoir la sacrifier quand cela est nécessaire, c'est agir selon les vues du Seigneur. Que celui à qui il arrive, ce qu'on appelle dans le monde une bonne fortune, s'écrie « Mon Dieu, vous m'envoyez une nouvelle charge. Donnez-moi la force de la remplir selon votre sainte volonté. » Voilà, mes amis, ce que j'entendais vous enseigner par le détachement des biens terrestres. Je me résume en disant « Sachez vous contenter de peu. Si vous êtes pauvre, n'enviez pas les riches, car la fortune n'est pas nécessaire au bonheur. Si vous êtes riche, n'oubliez pas que ces biens vous sont confiés et que vous en devrez justifier l'emploi comme dans un compte de tutelle. Ne soyez pas dépositaires infidèles en les faisant servir à la satisfaction de votre orgueil et de votre sensualité. Ne vous croyez pas le droit de disposer pour vous uniquement de ce qui n'est qu'un prêt et non un don. Si vous ne savez pas rendre, vous n'avez plus le droit de demander. Et rappelez-vous que celui qui donne aux pauvres s'acquitte de la dette qu'il a contractée envers Dieu. » Lacordaire, Constantine, 1863. Le principe en vertu duquel l'homme n'est que le dépositaire de la fortune dont Dieu lui permet de jouir pendant sa vie, lui ôte-t-il le droit de la transmettre à ses descendants? L'homme peut parfaitement transmettre, après sa mort, ce dont il a eu la jouissance pendant sa vie, parce que l'effet de ce droit est toujours subordonné à la volonté de Dieu qui peut, quand il veut, empêcher ses descendants d'en jouir. C'est ainsi qu'on voit s'écrouler les fortunes qui paraissent le plus solidement assises. La volonté de l'homme, pour maintenir sa fortune dans sa lignée, est donc impuissante, ce qui ne lui ôte pas le droit de transmettre le prêt qu'il a reçu, puisque Dieu le retirera quand il le jugera à propos. Saint-Louis, Paris, 1860.